Et bien maintenant, après cet exposé plein de problèmes, enfin, problème, c'est pas l'exposé qui a des problèmes, c'est nous qui en avons hérité. On va avoir un commentaire de Catherine Aubert. Oui, merci beaucoup et merci Eva de m'avoir demandé de revenir sur votre exposé. Alors, okay, avec lequel je suis en grande partie, mais enfin j'ai des points de désaccord. Je crois que mon premier désaccord concernerait un peu la perspective qu'Ariec adopte et qui n'a pas grand-chose à voir avec Montesquieu. Et je crois que là, quand même, il faudrait un petit peu de contextualisation. Ce qui m'a gêné dans votre présentation, c'est le caractère extraordinairement abstrait. Enfin, je sais bien que, bien sûr, Hayek se réfère à Montesquieu et à Adam Smith et à la main invisible, etc. Mais enfin, il faut voir qu'il fait ses références dans un contexte extrêmement précis, hein, qu'il faudrait quand même peut-être rappeler. Ce contexte, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale, de la montée des totalitarismes, etc. C'est ce qu'on a appelé le libéralisme de la guerre froide. Alors ça, je crois quand même que ça aide un petit peu à comprendre Hayek, ses excès, ses caricatures aussi, mais aussi ce qu'il y a de très profond chez lui. Il a quand même mis le doigt sur quelque chose de très important qu'on avait vraiment sous-estimé. Et je serais un peu en désaccord avec vous, c'est sur le caractère pacifique du commerce. Alors, le libéralisme de la guerre froide, c'est un libéralisme négatif. C'est-à-dire que le commerce n'est pas pacifique, mais il réduit les risques de guerre, ou en tout cas, il les diminue. Hein, voilà. Alors ça, je crois que c'est quand même un caveat important pour bien voir le problème. Alors, ce qui chez Montesquieu était un constat, on en a parlé, enfin une description d'un état de fait nouveau, pour Hayek c'est bien différent puisqu'il y a un combat à mener, un combat qu'il définit en termes de d'un accord, ou en tout cas d'un équilibre entre, d'un côté, le politique, les interventions politiques, et de l'autre, les marchés ou la sphère des échanges. Certains régimes donc politiques cherchant à contrôler la sphère des échanges et des marchés conduit à l'appauvrissement généralisé, à des conflits de plus en plus importants. Par contre, Si les gouvernements fonctionnent en phase avec cet ordre spontané, le jeu de catalaxie, eh bien, l'état de paix peut, ou en tout cas de diminution des tensions, est une possibilité à l'horizon. Et alors là, je rappelle Karl Polanyi, hein, 1815-1914, une période quand même de paix entre guillemets, en tout cas de non-conflit généralisé tout à fait unique dans l'histoire. Alors, c'est ça ce qui est à l'horizon quand même de la pensée de Hayek à ce moment-là et qui aboutit à l'ouvrage Démocratie, Législation, Liberté, c'est vraiment la réduction de la guerre et non pas la paix, hein, dans cette optique d'un libéralisme de la guerre froide. Voilà. Alors, l'autre chose, toujours dans cette contextualisation un peu de votre présentation, c'est que vous avez parlé de société complexe, de société moderne, mais ce qui est absent, c'est quand même la société ouverte. L'objectif de Hayek, ce qu'il décrit, c'est un monde d'échange généralisé, un monde ouvert. Hein, la société ouverte de Popper, qui était quand même son ami, enfin la personne dont il se sentait le plus proche. Enfin, c'est quand même très précis, c'est pas n'importe quelle société moderne, c'est pas n'importe quel monde, c'est une société ouverte où les individus peuvent chercher à satisfaire leurs besoins comme ils l'entendent, avoir leur style de vie, etc. Donc un monde qui est déjà libéral, entre guillemets, en tout cas qui est d'une toute autre nature, hein, que le aussi bien les régimes totalitaires que Hayek observe et que le passé. C'est quand même un phénomène historique unique et sur lequel il réfléchit. Alors c'est pour ça que je ne sais pas, enfin moi je pose la question, je ne suis pas spécialiste, mais je me demande si, malgré le ton de Hayek, on peut généraliser à toutes sortes de contextes cette idée d'ordre spontané ou de jeu de catalaxie. Enfin c'est quand même... dans mon commentaire, je vais insister un peu sur ces conditions spécifiques. Hein. Voilà. Alors... Donc ce qui intéresse Hayek, ce n'est pas n'importe quelle société complexe, ce n'est pas n'importe quel ordre social, c'est un monde particulier, un monde ouvert d'échange, hein, on parle de globalisation bien sûr, et comment préserver les acquis en termes de prospérité et en termes de droits individuels de ces sociétés ouvertes. Voilà. Alors, la caractéristique quand même d'une société ouverte, c'est qu'elle est pluraliste et qu'il y a nécessairement conflit. C'est-à-dire que le conflit est endémique dans les sociétés ouvertes, le conflit entre les projets individuels, sans cesse. Sans cesse, les individus vont se heurter les uns aux autres dans la recherche de leur projet de vie, de leur plan de vie, comme dit Rose. Donc, et la société ouverte, de Popper, c'est une société dans laquelle on vit avec des gens avec qui on ne partage rien, ou très peu. Nous devons vivre sans cesse avec des gens avec qui nous ne partageons que très peu de choses. C'est l'antithèse du monde républicain que nous avons évoqué ce matin. Voilà. Alors, le monde de Hayek, la société ouverte, c'est une société dans laquelle il n'y a pas de communauté des femmes. Il y a des demandes des individus de satisfaire leurs besoins comme ils l'entendent. Voilà. Alors, aussi longtemps que la, donc le contexte, c'est celui vraiment d'un conflit généralisé dans un contexte donc pluraliste. Bon. Alors, la solution passéiste, Hayek parle de tribalisme à ce propos. Il emploie plusieurs fois l'expression des vestiges du tribalisme pour décrire ce rêve d'un monde uni autour de fins communes, de fins partagées. Et il dit que c'est la pire des choses, bien sûr. Les fins, aussi longtemps que la collaboration ne peut naître que sans une communauté de but, les gens qui poursuivent des objectifs différents sont nécessairement des adversaires qui luttent pour se réserver les mêmes moyens. Je serais tentée, mais ça c'est sûrement une erreur, hein, c'est une pure intuition, de rapprocher ça de la solidarité organique de Durkheim. C'est-à-dire que ce sont des individus qui poursuivent des buts distincts, incommensurables probablement, pas forcément incompatibles, en tout cas qui n'ont pas de mesure commune. Et donc, à l'opposé d'une solidarité mécanique, il n'y a pas de fin commune sur lesquelles fonder l'ordre social. Donc c'est un ordre social d'un type différent. Or, nous avons tendance à penser la question de l'ordre social sur ce modèle tribal, sur ce modèle communautarien, comme on dit maintenant. Et ça, vraiment, c'est c'est vraiment le blocage intellectuel que Hayek essaye de lever. Par contre, s'il n'y a pas d'imposition de fin commune, si l'on est dans une situation d'échange des moyens, et non pas justement en termes de fin, à ce moment-là, les conflits peuvent être réduits. Je ne dis pas qu'ils disparaissent. Pacifique, je répète, il faut le prendre au sens négatif, au sens de diminution des conflits, pas de disparition. Par contre, pour Hayek, l'échange et les marchés libres créent, je le cite, la possibilité pour divers individus d'être utiles les uns aux autres sans se mettre d'accord sur leurs objectifs finaux et sans le savoir. C'est toujours le non-intentionnel. Donc ce qui est la source de la guerre, la source des conflits et des désordres pour lui, c'est la volonté de certains groupes d'imposer leur fin aux autres. Ce qui n'a pas, évidemment, là, vraiment, l'analyse est précise. Ça n'a pas grand-chose à voir avec Montesquieu et avec le doux commerce. C'est vraiment la pensée de la société ouverte et de la réduction des tensions, la réduction des conflits, en diminuant justement l'imposition de fin commune. Voilà. Alors, le caractère non intentionnel, spontané de l'ordre du marché crée une possibilité, mais une possibilité seulement. Ce caractère spontané, non intentionnel est occulté en général par cette façon de penser l'ordre social en termes tribaux, en termes de communauté. Et une première opération négative consiste donc à dégager un ordre de fait qui est cet ordre spontané ou cet ordre catalactique, c'est une possibilité à l'horizon d'une société à la fois libre et ordonnée, mais pas ordonnée, encore une fois, dans les termes statiques, c'est-à-dire d'un consensus durable, etc., d'une stabilité durable. Donc voilà, la valeur de la spontanéité, bien sûr, pour Hayek, mais je ne pense pas que la pensée de Hayek se réduise à un spontanisme, absolument pas. Hein. Et le commerce à lui seul ne peut certainement pas pacifier la société. Donc c'est vraiment je mettrai un bémol si vous voulez, ou peut-être pas, je ne sais pas, on verra comment vous réagissez. Voilà. Alors le deuxième point très très important, qui n'a peut-être pas été assez mis en valeur dans votre présentation, c'est le rapport entre ordre spontané et organisation. Et c'est là qu'il y a cette magnifique citation d'Adam Smith par Hayek, extrait de la théorie des sentiments moraux. Voilà ce que dit Adam Smith, cité par Hayek. Donc, dans le grand échiquier de la société humaine, chacune des pièces a un principe moteur qui lui est propre, entièrement différent de celui que le législateur peut choisir de lui imprimer. Si ces deux principes, celui donc de la société, de la grande société, et celui du législateur coïncident et agissent dans la même direction, le jeu de la société se déroulera aisément et harmonieusement, avec de grandes chances d'être heureux et fructueux. Voilà, tout commerce. S'ils sont opposés, le jeu marchera de façon lamentable et la société sera constamment dans un état d'extrême désordre. Donc le problème, le deuxième vraiment point que je voudrais mettre en évidence, c'est la question du gouvernement. La question du gouvernement, parce que finalement l'ordre social, ou ce que Hayek appelle la collaboration, je reviendrai sur l'analyse fine que vous avez faite de la coïncidence des anticipations, etc., mais là pour le moment je me contente d'un terme très vague, la collaboration repose à la fois sur l'ordre spontané et l'organisation délibérée. Donc à la fois cosmos et taxis, à la fois la loi du législateur et les règles de bonne conduite, les règles générales du droit. Voilà. Donc cet ordre catalactique ne peut de réalité que s'il existe des règles de droit et utile de juste conduite pour encadrer la coordination des décisions individuelles et l'action des gouvernements. Ce cadre qui permet aux individus d'ajuster leurs anticipations dans un monde d'incertitude et d'ignorance. Hayek parle également de mise en ordre de l'ignorance. L'ordre spontané du marché est complété par donc les règles générales du droit et de la morale, entre guillemets. On a discuté de la morale ce matin, c'était fort intéressant. Ce que Hayek entend là par les règles générales du droit et de la morale, les règles générales de bonne conduite, c'est-à-dire le fait qu'on puisse s'attendre à ce que celui avec lequel on échange respectera la promesse, tiendra sa promesse et respectera les termes de l'échange. Donc tout ce cadre que nous ignorons, que nous supposons sans cesse, mais ce qu'on appelle trust, hein, le règne de la confiance, tout cet ensemble très abstrait, hein, Hayek insiste sans arrêt sur des règles très abstraites que nous ne connaissons pas, mais que nous appliquons sans cesse, eh bien c'est cet ensemble-là qui peut permettre de parler d'ordre. Hein, il n'y a pas d'ordre s'il n'y a pas à la fois le libre jeu des échanges et ce substrat d'attente réciproque et de garantie en quelque sorte que représentent les règles. Alors là je fais une petite parenthèse, c'est que ce à quoi Hayek pense ici, c'est bien sûr à la common law, c'est-à-dire quand même à un corps juridique qui n'a rien à voir avec le législateur. Il ne s'agit pas du tout de décision d'un législateur à un moment donné, mais il s'agit du savoir hérité des juges et de la jurisprudence, donc de la common law. Et c'est ça ce qu'il entend par... il y voit une sorte, là aussi, d'ordre non intentionnel, avec toute une dimension évolutionniste, un peu darwinienne, etc., bien sûr que vous connaissez bien. Bon. Mais alors, d'ailleurs, ce qui me pose problème, c'est le lien entre cet ordre spontané du marché et cet ordre spontané dans la durée du droit et de la morale, bien sûr. Ça, c'est certainement un problème important. Enfin, je le laisse. Mais l'action du législateur, l'action des gouvernements doit prendre en compte, doit connaître, respecter, prendre en compte ces réalités qui le dépassent et qu'il ne peut pas, enfin, aucun législateur ne peut comprendre, dit Hayek, la complexité de cet ordre spontané. Voilà, l'argument qu'il emploie sans cesse, c'est que aucun cerveau humain ne serait capable d'expliciter ce qui se passe. C'est un peu comme Chomsky et la distinction entre compétence linguistique et performance linguistique, à mon avis, c'est tout à fait d'une chose du même ordre. C'est-à-dire qu'il y a un savoir implicite qui est aussi bien dans les échanges, dans le marché lui-même, qui permet les anticipations, que, bien sûr, au niveau du droit et des règles de promesse et de respect de la parole donnée, etc. Voilà, avec du contrat. Donc, le spontanéisme politique qu'on attribue à Hayek et l'apologie des marchés à 150%, ça, à mon avis, c'est vraiment erroné, puisqu'il s'agit sans arrêt d'ajuster, d'adapter, puisque ce sont les termes qu'il emploie, l'action des gouvernements et les réalités de ce jeu catalactique. Voilà. Et ça, c'est quand même très typique de l'esprit de ce libéralisme de la guerre froide, hein, de la lutte contre les totalitarismes, la lutte contre les économies dirigées, les command economies. C'est pas seulement une lutte morale, c'est une lutte au niveau de l'efficacité, de la compréhension des réalités du marché. Alors. L'organisation délibérée a sa place pour Hayek. L'organisation délibérée, les actions du gouvernement, l'action du législateur, tout ça a une place très importante. Bien sûr, c'est l'état minimal, le moins d'état possible, surtout le moins d'état idiot, imbécile, qui ne comprend rien à ce qui se passe, etc. Bien sûr, l'état inefficace. Mais d'ailleurs, il ne parle pas de l'État, il parle du gouvernement. Le rôle du gouvernement est quand même crucial dans la pacification des rapports sociaux. Voilà. Alors, le dernier point sur lequel j'ai encore un petit peu de temps, oui, le dernier point sur lequel je voulais revenir, c'est la question de la justice, bien sûr, à votre dernière partie. Ordre spontané et justice. L'ordre spontané n'est ni juste ni injuste. C'est une loterie. Hayek le dit, c'est la loterie des spéculateurs, on investit, on entreprend, on fabrique, etc. Et on prend des risques. Donc risque, incertitude, ignorance, tout cela fait partie de la réalité de ce jeu de catalaxie. Et voilà, alors il faut réviser notre conception de la justice. C'est pas, enfin, bien sûr, Hayek part en guerre dans plusieurs ouvrages, pas simplement dans Droit, législation et liberté, contre la justice sociale. C'est-à-dire que d'abord, il y a une question de langage. Le terme de justice est une projection anthropocentrique. De la même façon que je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas juste qu'il fasse aussi froid, alors qu'on est au mois de juin, donc ben, c'est aussi dépourvu de sens de parler de justice ou d'injustice dans les cas des échanges marchands, puisque il y a un élément de risque, tout le monde devrait le savoir. D'ailleurs, je crois que c'est inscrit quand on fait un emprunt immobilier, maintenant en petites lettres, enfin, en Angleterre en tout cas, on met toujours « vous risquez de perdre votre maison si vous ne payez pas votre emprunt, vous risquez de perdre si vous jouez à la bourse ». Enfin, tout ça est mis en petits caractères en bas des contrats pour rappeler aux gens qu'il y a un risque, bien sûr, un risque positif et négatif. Bon. Alors, ordre spontané et justice. Donc une question de langage, une question bien sûr, alors Alan Kahn qui est là aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, encore des réflexes d'hostilité ou de peur à l'égard du monde de l'argent, bien sûr, la réalité de l'argent, bon, je laisse là cette question, mais la citation exacte que vous n'avez pas donnée, c'est... Hayek dit, page 540, donc dans Droit, législation et liberté, « La plupart des gens répugnent encore à admettre que ce soit les méprisables réseaux d'argent qui soudent la grande société. » Voilà. Donc, vous avez simplement cité la fin. Oui. Voilà, je pense que c'était intentionnel. Voilà. Alors, je voudrais reprendre ce que vous dites sur le glissement conceptuel, ce que vous appelez un glissement conceptuel de la notion d'ordre entre concordance des anticipations et conciliation pacifique des projets individuels. Si je vous comprends bien, l'extension de la notion de conciliation pacifique est beaucoup plus grande donc, que celle de simple concordance des anticipations. Alors, l'opposition que vous faites entre les deux est due au fait que certains devront réviser leurs anticipations à la baisse, c'est-à-dire que la concordance des anticipations ne marchera pas pour tout le monde, que certains seront donc en situation d'échec ou de sentiment de frustration ou d'injustice. Alors, la réponse de Hayek, elle est toute simple, hein, c'est que c'est à long terme. C'est que les jeux, puisqu'il s'agit d'un jeu, et bien un jeu, on joue plusieurs parties, on peut perdre une partie, on peut en perdre une série, et puis à un certain moment, on peut espérer gagner. Donc il y a quand même une espérance de gain qui peut certainement jouer dans l'aspect pacifique de l'ordre du marché. Hein, l'espérance, l'anticipation d'un gain dans le long terme. C'est le trickle-down effect, bien sûr, hein, que si... si on est dans une période de croissance économique, ben plus ou moins tout le monde en bénéficiera, ou du moins les attentes espérées donc seront en hausse. Donc bon, ça c'est pas très convaincant. C'est un effet de redistributif qui est évidemment difficile à mesurer. Est-ce qu'il est réel? Bon, voilà. Mais, alors, le deuxième point, par contre, le deuxième élément de l'argument est beaucoup plus intéressant. Si les règles de ce jeu sont connues, c'est-à-dire que si... alors, ce qui est peut-être un peu difficile, parce que d'un côté, on a dit tout à l'heure que le jeu de catalaxie, ces éléments échappent, bien sûr, à l'entendement. Nous en subissons les... Bon, c'est un ordre spontané. Mais enfin, si les règles... Certaines règles sont explicites, en particulier les règles de bonne conduite, les règles qui norment les échanges, eh bien, si elles sont connues de tous, non arbitraires et acceptées, les résultats, dit Hayek, seront acceptables. Et là, nous tombons en plein sur la justice procédurale. Et d'ailleurs, page 515, Hayek dit qu'il est entièrement d'accord avec John Rawls sur la justice procédurale. Bien sûr. Il dit simplement que Rawls parle de justice, il ne devrait pas utiliser ce terme. Enfin, il parle de fairness, il ne parle pas de justice, donc il est déjà... Voilà. Alors, donc, la seule justice dans ce monde, dans cette société ouverte, dans ce monde pluraliste, dans ce monde où les individus veulent, cherchent à satisfaire leurs objectifs comme ils l'entendent, eh bien, la seule justice est celle des règles fixées au départ, et donc de la procédure par laquelle ces règles sont fixées. Ce qui nous permet de ranger au cabinet des accessoires la vision anthropomorphique, anthropocentrique du mérite et des récompenses qu'il pourrait avoir. Voilà, quand on parle de justice. Donc, la conception de la justice, elle est, si vous voulez, procédurale, elle est minimale, mais dire qu'elle est absente, c'est probablement erroné. Hein, je pense qu'il y a quand même... Bon, et puis alors, j'ai insisté peut-être, là, vous en parlez tout à l'heure, vous disiez dans mon bouquin, j'avais trop insisté sur les biens publics que l'État doit fournir. Enfin, je m'appuyais sur un très bon article, un article que moi j'aime beaucoup de Debra Zatz sur Adam Smith et sur l'importance du rôle des gouvernements pour fournir donc l'éducation gratuite, pour la recherche scientifique, etc., enfin, tout un ensemble d'éléments, et bien sûr aussi de protection sociale, enfin de filet de sécurité, enfin tout ça quand même réapparaît à un certain moment chez Hayek, hein, ce qui n'est pas connu et n'est pas reconnu, donc bon. Mais ça n'apparaît pas sous le terme de justice, ça apparaît sous le terme de fonctionnement de l'ordre de catalaxie, enfin, et des règles de bonne conduite, voilà. Alors, voilà, donc Alors, une dernière question qui m'aurait passionnée, mais enfin, ça dépasse le cadre de notre rencontre, c'est l'ontologie sociale de Hayek. comment il essaye de trouver une forme de une explication du déterminisme social qui fasse une place centrale aux projets individuels. Alors ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est quand même une des clés pour comprendre ce qu'il cherche à faire. C'est une forme d'individualisme méthodologique, mais quand même, il y a, à mon avis, il y a quelque chose de très pensé. Il y a toute une dimension quand même épistémologique de la réflexion de Hayek sur la nature le rapport entre les décisions individuelles et cet ordre catalactique. Donc c'est pas bon, quelque chose que j'aurais bien aimé discuter, mais enfin je crois que là je m'arrête. Voilà. Merci beaucoup pour ce commentaire très, très riche qui soulève plein de problèmes, j'imagine.